saluons tous les saints ce soir au nom de Jésus-Christ. Nasalimia batakatifu bote mangaribi ya leo mchina Bwana Yesu Kristo. Et nous saluons nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ligne au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia pia bapendwa betu wale wanatufuata munjia ya internet mchina Bwana Yesu Kristo. Pouvons nous lever? Tunaweza kusimama bwima? Avec 1 Corinthiens chapitre 16. Na wa Korinto wa kwanza sura 16. Bienveillant Père Céleste. Baba mupendwa, nous te disons merci. Tunasema asante. Tu as gardé chacun de nous. Ulichunga kila mmoja wetu. Et tu as conduit nos pas dans ta maison. Na uliongoza matua yetu mnyumba yetu. C'est une maison de correction. Mwili nyumba ya kunyorosha. Et dans ta maison, na mnyumba yako, tu nous parles. Huku natuambia. Viens encore ce soir. Ukuje tena mangaribi ya leo. Et parle à nos cœurs affamés. Na useme na mioyo yetu yenye kuwa na njaa. Et dites seulement un mot. Useme tu musemo moya. Et nos maladies seront guéries. Na magonjwa yetu itapona. Dites un mot. Useme musemo moya. Et nos problèmes trouveront des solutions. Mahitaji yetu itapata jibu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous abandonnons à toi. Tunariachilia kwako. Car sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Mwani, bila wewe hatutaweza kitu. Même si tu descends au milieu de nous. Alakini ukishuka katikati yetu. Et tu parles à nos cœurs. Na ukisema na mioyo yetu. Nous croyons que nous serons bénis. Tunaamini ya kwamba tutabarikiwa. Te recommandons ce culte entre tes mains. Tunakuachia ibada mikono yako. Bénissons chaque frère et chaque sœur. Ubariki kila ntuko na kila dada. Bénissons notre pasteur. Ubariki pastori wetu. Ainsi que son associé. Pamoja na mufati wake. Tous ces collaborateurs, tous nous nous attendons à toi, au nom de notre Seigneur Mujina Bwana wetu, et Sauveur Jésus-Christ. Na Mokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Kama mutu asimpende Bwana alaniwe. Maranatha. Maranatha. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur ce soir? Eti, kuka kumutu mangaribi ya leo la simpende Bwana? Nous aimons le Seigneur. Sisi tunampenda Bwana. C'est pourquoi nous souhaitons même son retour. Je commande à tunaitamani kurudi kwake. Le retour du Seigneur, ça doit être un souhait d'un véritable croyant. Kurudi kwa Bwana inapashi kwa kutaka kwa kila mwaminifu wote. Ça doit devenir notre prière même. Inapashi kuwa hata maombi yetu notre nyewe. Désir. Nia yetu kutaka kwetu. De chaque jour. Kwa kila siku. Pour nous les croyants. Kwetu sisi waminifu. Le retour du Seigneur. Kurudi kwa Bwana. Est très important. Nia mafaka kabisa. Plus que notre vie. Kushindia hata bushima bwetu. Le retour de Jésus Christ. Kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Est très important. Nia mafaka kabisa. Plus que nos affaires. Kushindia hata mabiashara yetu. Le retour de Christ. Kurudi kwa Kristo. Est très important. Nia mafaka kabisa. Plus que le mariage. Kushindia hata ndoa. C'est vrai. Ni kweli. Voilà ce que la Bible nous dit. Tazameni kile Biblia inatuambia. Apocalypse 22. Mufunuo sura 22. Nous voulons que ceci soit aussi notre prière. Tunapenda hii nayo ikuwe tena maombi yetu. Apocalypse 22. Mufunuo sura 22. Au verset 17, il dit. Mstari 17 anasema hivi. Et l'esprit. Na roho. Et l'épouse. Na bibi harusi. Dit. Wote wanasema. Viens. Kuja. Jusqu'à ce que votre esprit. Kufika na pale roho yako. Votre âme. Nafsi yako. Et un désir ardent. Ipate kuwa na nia ya nguvu kabisa. Désir quelque chose dans votre cœur. Itamani kitu kimoja moyo wako. Le désir de voir le retour de Jésus-Christ. Ipate kuwa na nia ya kuona kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Il y a des gens qui repoussent cette venue. Kukubatu vale meko na sukuma kule kurudi kwake. Et s'il arrive que vous repoussiez cette arrivée, cette venue de Jésus Christ. Kama ikikufikia unasukuma kule kurudi kwa Bwana Yesu. Dans votre cœur. Moyo wako. Si on parle du retour de Christ, cela vous embarrasse dans votre cœur. Akisema kurudi kwa Bwana Yesu kino unafadhaika moyo. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Manake ku kitu akiendeke. Vous êtes malade. Uko mugonjwa. Vous n'êtes pas en ordre. Hauna wakunyonoka, hauna usawa. Mais quiconque est en ordre. Yeyote kusawa. Avec la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Dans son cœur. Mumoyo wake. Même dans sa prière. Hata mumaombi zake. Il dit, viens Seigneur. Anasema ukuje Bwana. sur la terre, pa dunia, vous ne serez jamais satisfait. Amwezi kama kutosheka. Même si on vous flanque au ministère, vous ne serez pas satisfait. Ata wakikuweka, ukikuwa waziri. Même si vous gagnez beaucoup d'argent, ata ukipata feza mingi, au moment où nous vivons, wakati ile tu kunaishi, le désir de véritables croyants, utaka kwa waminifu wa kweli, c'est le retour de Jésus-Christ. Ni kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. C'est l'unique espoir. Je tumaini moja tu. C'est l'unique espérance. Je tumaini moja tu. L'espérance des croyants. Tumaini ya waminifu. Ce n'est pas un simple souhait, une espérance vivante. Aina musemo ya bule, lakini ni tumaini yenye kwa hai. Yenye kwa hai, yenye kwa na buzima. Yenye kwa na buzima. Quand vous souhaitez le retour de Jésus. Wakati unatamani kurudi kwa Yesu. Cela influence votre vie. Manake navuta hata maisha yako. Cela change votre comportement. Inabadilisha namna yako ya kutenda. Et même dans vos programmes. Hata mumamapu yako. Tout sera réglé. Yote tatengamana. Tout sera fait en fonction du retour de Christ. Yote utaifanya kulingana na kurudi kwa Yesu Kristo. Oh, que Jésus nous vienne en aide. Oh, Yesu atusaidie. Vous ne serez pas distrait. Dieu tusilengame. C'est notre bataille. Injo vita yetu. Le retour de Christ. Ni kurudi kwa Kristo. Il faut manquer toute chose. Inapashi ukosa hata vitu vyote. Pas manquer le retour de Christ. Lakini usikose kurudi kwa Kristo. Oui. Ndio. Si nous lisons dans le livre des Hébreux, tukisoma mukitabu ya Waebrania, voyons ce que Paul nous dit. Tuone kile Paulo anatuambia. Hébreux chapitre 9. Waebrania sura ya 9. Il nous dit quelque chose. Anatuambia kitu fulani. Dans le verset 28. Mstari makumbi na mnane. De même Christ, ivyo ivyo Christo, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, ularijitoa mara moja juu ya kuchugua zambi ya watu mingi, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ataonekana mara tena kwa wale wanamchunga kwa ajili ya wokovu yao. De même Christ qui s'est offert une seule fois. Ivyo, paka vile Kristo alijitoa mara moja tu. Pour porter le péché de plusieurs. Juu ya kuchugua zambi ya watu mingi. Ça c'est la première venue de Christ. Ile ni kuja kwa kwanza kwa Kristo. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Ataonekana bila zambi mara ya pili. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Kwa wale wako na mungoja kwa ajili ya wokovu yabo. Pour leur enlèvement. Kwa ajili ya kunyanyuliwa yabo. C'est deuxième salut ici. Ni wokovu ya pili. C'est pour le corps. Ni wokovu ya mwili. Le premier salut. Wokovu ya kwanza. C'était pour notre âme. Ilikuwa ni ya manafsi zetu. Cette écriture. Iandiko. Frère Branham. Ndugu Branham. A parlé quelque chose pour bien développer cette écriture. Arisema kwa ajili kitu kimoja ili apate kufasilia hii andiko. Il a parlé d'un petit sujet. Arisema mahubiri ya shina kidogo. Et je vous en parlerai aussi en survolant. Na mimi nitaisemezea mkupita. Vivant, mwenye kuishi. Mourant, mwenye kufa. Enseveli, mwenye kuzikwa. Ressuscitant, mwenye kufufuka, et revenant, na mwenye kuja. Par cette prédication, kupitia imahubiri, Frère Branham a bien parlé pour clôturer cette écriture. Ndugu Branham alisema mzuri juu kumaliza hii andiko. Il a dit, alisema, vivant, alisema mwenye kuishi, quand Jésus Christ était vivant, wakati Yesu Kristo alikuwa naishi, il nous a aimé, alitupenda. Il vous a aimé, alikupenda na wewe. Il nous a aimé. Alitupenda sisi wote. D'un amour divin. Na mapendo ya kimungu. Appelé agapao. Yenye kuitwa agapao. D'un amour sincère. Na mapendo ya uwaki. D'un véritable amour. Na mapendo ya kweli. Il ne vous a pas aimé parce que vous méritiez d'être aimé. Asiku mipende kwa ajili muristahili ba mipende. Non. Apana. Il nous a aimé. Alitupenda. Nous qui n'étions pas dignes. Sisi wale atukustahili. Vous n'étiez pas dignes. Na mwe pia mukustahili. Il n'y avait rien en vous qui pouvait attirer la tirer vers lui. Hakuna kitu hata kimoja kilikuwa ndani yenu kile kilipashi mvuta kwake. C'est la Bible dit. Ndio kile Biblia inasema. Il nous a aimé. Alitupenda. Non pas parce que nous l'avions aimé, non. Aina ya kwamba juu sisi tulimpenda, pana. C'est lui-même qui nous avait aimé. Lakini ni yeye peke yake alitupenda. Il n'avait pas un intérêt à tirer à nous. Asikuwa na faida ya kupatia ndani yetu. C'était un amour sans intérêt. Ilikuwa ni mapendo bila faida. Sur la terre. Fa dunia. Si quelqu'un vous aime. Kama mtu anakupenda. Ça, tu dois avoir un intérêt. Voilà, anapashi kwa na faida. Cet amour charnel. Ni mapendo ya kimwili. Frère Bernard l'appelait filéo. Ndugu Branham alikuwa naita filéo. C'est un amour basé sur les intérêts. Ni mapendo yenye kuyengwa yule ya faida. Si quelqu'un s'attache à vous. Kama mtu anambatana nawe. Il y a quelque chose qui l'attache à vous. Manake kuu kitu anafuata. Il y a un intérêt qui l'attache à vous. Eko na faida yeye anafuata kwako. Si cet intérêt là n'existe plus. Kama ile faida haina tena. Cet amour sera rompu. Ile mapendo itakatika. Mais Jésus-Christ nous a aimé. Lakini Yesu Kristo alitupenda. Sans intérêt. Bila faida. Mais il nous a aimé. Lakini alitupenda. Pour notre vie. Pour que nous nous puissions bénéficier. C'est ce que la Bible dit. Je qui la Bible nasema. Dans 1 Jean chapitre 4. Yohane wa kwanza sura ine. Écoutez ce que cet homme de Dieu nous dit. Msikie kile mtumishi wa Mungu anatuambia. 1 Jean 4. Yohane wa kwanza ine. Au verset 9. Mstari wa 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Mapendo ya Mungu ilionekana kwetu sisi. Ainsi que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde. Kwa ile Mungu alituma mwana wake wa pekee mudunia. Afin que nous vivions par lui. Ili tupate kuishi kupitia yeye. Et cet amour consiste. Na ile mapendo ni. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Aina ya kwamba sisi tulimpenda Mungu. Non. Apana. Mais en ce qu'il nous a aimé. Alakini alitupenda. Et a envoyé son fils. Na kutuma mwana wake. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Sawa zabiu ya ondoleo ya zambi yetu. Est-ce que vous voyez les choses? Eti munaona habitu. Dieu nous a aimé. Mungu alitupenda. Jésus vous a aimé. Yesu alimipenda. C'est pas que vous l'aviez aimé au départ. Aina sema mulitangulia kumpenda. Non. Hapana. Il nous a sema aimé. Alitupenda tu. En ce qu'il a envoyé son fils unique. Ndio kwa maana alituma mwana wake wa pekee. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Sawa zabiu ya ondoleo ya zambi zetu. Oh, nous devons remercier le Seigneur. Tunapashi mshukuru. Pour cet amour, kwa ajili ya hii mapendo, l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, il est venu vers les hommes, alikuja kwa watu, les hommes méchants, watu wabaya, et quand il est venu, wakati alikuja, regardez comment les hommes l'ont traité, tazameni namna kani watu walimtendea, les hommes l'ont taxé de tout le monde, watu walimuita majina lote, les hommes l'ont taxé de Belzebul, walimuita kwamba ni Belzebul, l'homme est très méchant, mutu ni mbaya, il a injurié son Seigneur, alitukana bwana wake, il a même craché sur lui. Alimuteme atamate. En retour de cet amour. Kwa ajili ya ile mapendo. Et au finish. Na mwisho yake. L'homme a crucifié même le Seigneur sur la croix. Mutu alimusulubisha hata Bwana kumsalaba. Mais son amour était tellement immense. Lakini mapendo yake ilikuwa munene sana. Il n'a pas renoncé à cet amour. Asikuikatale. Jusqu'à la dernière minute. Kufika na kumwisho. Il est monté à la croix. Alipenda msalaba. On l'a crucifié. Balimusulubisha. On a placé une couronne d'épines sur sa tête. Balimuvika taji ya miiba pa kichwa. On a manifesté réellement la méchanceté. Balionekanisha ukaidi mbele yake. Mais jusqu'à la dernière minute. Alakini kufika na mwisho. Avant sa mort. Mbele ya kufa kwake. Comme il nous aimait tellement. Il alitupenda zaidi. Il a dit. Alisema. Père. Baba. Pardonne-le. Wasame. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Wani hawajui wenyewe wanatenda. Quand il était vivant. Wakati alikuwa mzima. Il nous a aimé. Alitupenda. Eh, il n'y a pas une chose très grandiose. Hakuna que d'expérimenter l'amour. Hakuna kitu kinene isipokuwa kuonja mapendo. Il y a l'amour. Kama kuku mapendo. Oh, c'est formidable. Oh, ni amastajabu. Si quelqu'un vous aime. Kama mtu anakupenda. C'est la plus grande bénédiction. Ni baraka munene sana. Eh, ici c'est pas un homme. Na hapa haina mtu. Qui nous a exprimé cet amour. Vous l'avez tourné caniche et ma peine. C'est Dieu lui-même. Alakini, ni Mungu mwenyewe. C'est pourquoi la Bible a dit. Je commande la Bible à car Dieu a tant aimé le monde. Wamana Mungu alipenda sana il a donné son fils unique. Na kutoa mwana wake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui. Il y a yote atamuamini. Ne périsse point. Asipote kamwe. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alakini apate buzima ya milele. Vous ici. Mwe yapa. vous êtes l'expression de son amour. Muko kuonekana kwa mapendo yake. Votre présence ici, uwepo wenu hapa, c'est l'expression de son amour. Ni kuonekanisha kwa mapendo yake. Le salut que vous avez reçu, wokovu mlipokea, c'est l'expression de son amour. Ni kuonekana kwa mapendo yake. Parce que Dieu nous a aimé. Kama vile Mungu alitupenda. En retour. Kwa kinyume sasa, nous devons aussi l'aimer. Na sisi tunapaswa kumpenda. En retour. Kwa kurudisha. Nous devons aimer sa parole. Tunapaswa kupenda neno lake. Nous devons aimer son œuvre. Tunapaswa kupenda kazi yake. Nous devons aimer son peuple. Tunapaswa kupenda taifa yake. Nous devons aimer ses serviteurs. Tunapaswa kupenda watumishi wake. Et nous devons aimer ses décisions. Na tunapaswa kupenda mpango yake. Lui nous a aimé. Kwani yeye alitupenda. Et en retour. Na kwa kumrudishia. Nous devons être obéissants. Tunapaswa kuwa batiifu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Mourant. Mwenye kufa. Il nous a sauvés. Alituokoa. Par sa mort. Lufu yake. La mort de Christ. Lufu ya Kristo. Dieu nous a sauvés. Mungu alimiokoa. Il ne nous a pas sauvés autrement. Asituokoa namna ingine. C'est par la mort de Jésus Christ. Alakini ni kupitia kufa kwa Yesu. C'est dans cette mort. Ni ndani ya ile kufa. Que vous êtes sauvés. Ndio mule mliokolewa. Par sa mort. Kupitia lufu yake. Tous nos péchés. Mazambi zetu zote. Ont été pardonnés. Ilisamehewa. Frère. Dugu, quelle grâce. Nema kanile. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix. Kama Yesu Kristo angekufa kumsalaba. Personne ne serait sauvé. Akungekuwa mtu hata moja kokolewa. Ce n'est pas le message. Haina ujumbe. Qui nous a sauvés. Il est tokoa. Mais nous sommes sauvés. Alakini tunaokolewa. Par la mort de Jésus-Christ. Kupitia kufa kwa Yesu Kristo. Le jour où Jésus-Christ était mort. Siku ile Yesu Kristo alikufa. C'était un grand jour. Il quoi ni si kumunene pour les croyants. Wajili abaminifu. C'était un grand jour. Il quoi ni si kumunene. Même pour les croyants de l'Ancien Testament. Hata kwa ajili hata abaminifu wakano agano la kale. Ils attendaient le Messie. Bali kwa nachunga Masia. Et c'est par la mort du Messie. Na nikupitia kufa kwa Masia. Que eux aussi devaient être sauvés. Na wao walipashwa waokolewe. Le jour où il est mort. Siku ile alikufa. Mon frère. Ndugu. La Bible dit, Biblia nasema, même le rocher s'était fendu. Hata miamba ilipasuka. La terre avait tremblé. Bulongo buritetemeka. Ce jour-là, ile siku, les sépulcres s'étaient ouverts. Makaburi ilifunguka. Même les voiles qui étaient dans le temple. Hata pazia ile ilikuwa mwekalu. Cette voile s'était déchirée. Ile pazia ilipasuka. Dieu en bas. Tangia yulu kufika chini. Au point où le lieu très saint. Mukimo ile pali patakatifu kabisa. Auquel nous n'avions pas accès. Muna tupashi kuingia. Ce lieu était devenu ouvert. Ile pali kwa sasa wazi. Et depuis lors. Tangia pale. Par la foi. Wa imani. En Jésus Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Vous pouvez aller dans le lieu très saint. Naweza kuingia pali patakatifu sana. Même ce soir. Hata mangaribi ya. Par la foi. Wa imani. Tu peux aller dans le lieu très saint. Naweza kuingia pali takatifu kabisa. Oui mon frère. Là où seul le souverain sacrificateur mule paka mkuani mkuu avait le privilège d'entrer une fois par an. Alikuwa na ruhusa kuingia mara moja kwa mwaka. Et il apportait le sang pour les péchés du peuple entier. Alikuwa anapeleka damu juu ya dhambi ya watu wote. Et en entrant là-bas. Na mkuingia mule on le liait avec une chaîne sur le pied. Alikuwa anamfunga mnyororo kwa mguu. Parce que quand s'il n'était pas digne, kwani kama yeye asistahili, il mourait là sur le champ. Alikuwa anakufia mule pale pale. Et personne n'avait le droit d'aller là récupérer le corps. Na kuna mtu la aliruhusiwa kuingia mule kutosha mwili yake. Quand il mourait, on le tirait seulement par la chaîne dehors. Lakini wakati ile akikufa walikuwa anamkokota na mnyororo kutosha nje. Dans ce lieu, il y avait la gloire de Shekinah. Kwani mule pale patakatifu sana mlikuwa utukufu ya Shekinah. Personne n'avait le droit d'y entrer. Hakuna mtu alikuwa na ruhusa kuingia mo. Mais alakini, par la mort de Christ, kupitia lufu ya Kristo, ce lieu-là il est facile, est devenu accessible pour tous. Inakuwa wazi mbele ya kila mtu. Pour chaque croyant, kila mwaminifu, quiconque croit, yeyote anamini, a le privilège d'entrer dans le lieu très saint. Anakuwa sasa na ruhusa kuingia pale takatifu sana. Et ce que Dieu a fait de nous, kile Mungu alitufanyia, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alitufanya kuwa ufalme wa kuhani. Un royaume ufalme des sacrificateurs. Ya bakuani. Et vous mon frère. Na wendugu yangu. Et vous ma soeur. Na we dada. Vous êtes sacrificateur. Uko mkuani. Vous avez le droit narusa, de prier pour les autres. Ya kombea bengine. Oui. Dio. C'est privilège. Ile rusa. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Aina paka ya pastori. Ce n'est pas pour les prédicateurs. Aina paka ya baubini. Chaque enfant de Dieu. Kila mtoto wa Mungu. Vous pouvez aller dans le lieu très saint. Kuingia pale takatifu sana. Vous pouvez prier. Unawezi kuomba. Au nom de Jésus. Mujina ya Yesu. Yesu sera la prière. Mungu atakubali maombi. Nous ne sommes pas des catholiques. Si c'est à tous nos watu wa catholiques. Qui disons? Wenye kusema. Marie, mame Mungu. Marie, mère de Dieu. Utombeye. Priez pour nous. Si vous êtes des amis. Nous pauvres pécheurs. Si vous êtes nous qui ne méritons pas. Utombeye. Mais toi seulement prie pour nous. Frère. Ndugu. Nous n'avons aucun autre intermédiaire. Atuna na mupatanishi mwingine. Les saints ne sont pas des intermédiaires. Watakatifu hawana wapatanishi. Jamais. Kamwe. Dans la Bible, Mubibilia. Nous avons un seul intermédiaire. Tu entre Dieu et les hommes. Katikati ya Mungu na watu. C'est Jésus-Christ homme. Ni Yesu Kristo mutu. Lui seul. Yeye peke yake. Il est l'intermédiaire. Ndiye mupatanishi. Mes frères. Nous croyons à le pouvoir fote kuna uwezo de prier le Seigneur. Ya kumuomba Bwana. Oui. Ndiyo. Si vous avez la foi. Kama uko na imani. Vous pouvez prier. Unawezi kuomba. Dans la liberté. Mnapumpali takatifu sana. Et Dieu exaucera votre prière. Na Mungu atakubali maombi zako. Par la mort de Jésus-Christ. Kupitia lufu ya Yesu. Le jour où Christ est mort. Siku ile Yesu alikufa. C'est un grand jour. Ni siku munene. Pourquoi? Dianini? Parce que Wani, le prix bei, de notre péché ya zambi zetu, avait été payé. Bali ilipa. Depuis la mort de Christ, tangia kufa kwa Kristo, jusqu'à ce soir, kufika na mangaribi, le péché n'a pas le pouvoir sur les croyants. Zambi haina tena na uwezo yule ya waamini. Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini vile? Est-ce que vous le croyez? Munaamini vile? Par la mort de Christ, Christo, nous sommes un peuple libéré. Tunakuwa taifa yenye kukombolewa. Ce jour-là, il est siku, il est descendu dans les régions inférieures. Alishuka pali ya chini sana. Pour arracher les clés de la mort. Kunyang... Et du séjour de mort. Dieu a kunyanganya fungulo ya lufu na ndapa. Et il les a arrachés. Na alinyanganya. Les a arrachés. Kisha kunyanganya. Il a ouvert. Alifungula. Le paradis d'en bas. Paradiso ya chini. Où se trouvaient les croyants. Mule mungkwa na patikana ceux qui espéraient en Christ. Wale walikuwa na mtumainia. Ceux qui attendaient le Messie. Wale walikuwa na chunga Kristo. Et chacun l'a reconnu. Na kila mmoja alimtambua. Selon l'expérience qu'il avait faite avec lui. Ufatana na onjo ila alifanya naye. Et il les a libérés dans la prison. Na aliba kuomboa toka mule. Il les a libérés dans le séjour de mort. Na kubatosha mumbali ya wafu. Il est monté au ciel. Alipanda nabo kumbingu. En montant au ciel, il les a amenés. Mukupanda kumbingu alibapeleka. Et il les a laissés dans le lieu. Et dans le paradis. Na alibacha mu paradiso. Où ils attendent encore jusqu'aujourd'hui. Mule bangariki na chunga na leo. Jusqu'à ce soir. Na mangaribi ya leo. Au ciel. Kumbingu. Il n'y a personne qui déjà entré. Hakuna mutu hata moya anaisha ingia kumbingu. La Bible dit. Biblia inasema. Personne. Hakuna mutu hata moja. Quand les catholiques disent. Wakati wa katoliki. Que Marie est montée au ciel. Kwamba Maria alienda kumbingu. C'est une fable. Ile ni maarishi. C'est vrai. Ndio. Mais selon les écritures. Fatana na maandiko. Personne n'est monté au ciel jusqu'aujourd'hui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Isipokuwa paka yule alitoka mbingu. Le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Qui est dans le ciel. Mwenye kuwa kumbingu. Hakuna mtu anasema ndio. Y a personne qui est monté au ciel. Parce que hakuna mtu atenge mu perfection. Bila wewe na mimi tukuyepo. Personne n'entrera dans la perfection sans que toi et moi nous tous soyons là-bas. Tous ceux qui nous ont précédés là. Bale batakatifu wote ils attendent encore dans le paradis. Bangariki naongoja mu paradiso. Abraham attend encore dans le paradis. Abraham angari naongoja mu paradiso. Et la Bible dit. Na Biblia nasema. Tous ces gens là. Wale watu wote wale. Malgré leur grand témoignage. Hata vile walikuwa na ushuhuda mnene. Ils ont vécu sur la terre badishi, comme des zéros. Badishi pa dunia sa washujaa. Oui. Dio. Ce sont des gens qui étaient mais ils ne sont pas encore entrés dans la perfection. Car ils ne peuvent pas entrer. Sans toi, ma sœur. Sans toi, mon frère. Bila wewe, ils ne sont pas encore entrés. Jésus les a libérés. Yesu aliba komboa de la région inférieure. Watosha pali ya chini. Mais ils sont allés attendre dans le paradis. Alakine varienda kongojea mule mparadis. La mort de Jésus. Lufu ya Yesu. Nous a délivrés de tous les péchés. Ili tukomboa toka zambi zote. La mort de Jésus. Lufu ya Yesu. Nous a donné le pouvoir. Ili tupatia uwezo. Sur les péchés. Yulu ya zambi. Aujourd'hui. Leo. Nous avons le pouvoir. Sur le monde. Yulu ya wa. Sur les péchés. Yulu ya zambi. À cause de la mort de Christ. Wajili ya lufu ya Kristo. Par la mort. Kupitia lufu. De Jésus. Ya Yesu. Il a vaincu la mort. Alishinda lufu. Il a arraché les clés de la mort et de ses jours de mort. Alinyanganya mafungulo ya lufu ya makao ya bafu. Et aujourd'hui, Leo, les clés de la mort mfungulo ya lufu et de ses jours de mort na ya makao ya bafu sont entre les mains de Christ. Iko mikono ya Kristo. Si wezi kufwa, je ne peux pas mourir. Kama Yesu Kristo asifinye. Si Jésus Christ n'a pas encore décidé. Oh, bana mkure kwa homologi. Oh, on l'a dévoré par les sorciers. Oh là, j'étais mauvais sort. C'est faux et archi faux. Ni bien bongo kabisa. Tout le monde. Nous fouillons. Pour que quelqu'un meure. Dieu a mouto à partir de là. Il faut que Jésus Christ. Il n'a pas chié. Lui-même signe la mort. Il n'y a pas de aïtiki au koufé. C'est ce que la Bible dit. Dieu qui le Biblia. C'est lui qui se tient entre ses mains. Bien Dieu qu'on m'y connaît y'a gué. Les clés de la mort et du séjour de mort. Fungulo ya lufu na fungulo ya makao ya bafu. Il a pris la clé du royaume. Il a donné à l'église. Mais lui-même détient la clé de la mort et du séjour de mort. Pour que tu meures, il faut que Jésus-Christ signe. Je m'adresse à vous qui avez peur de la mort. Na miambia mwe benye kuogopa lufu. À vous qui craignez. Mwe benye kuogopa. Qui croyez que y a la sorcellerie. Benye kuamini akomba kukubulozi. Nous, la sorcellerie. Sisi ulozi. Qui consiste à manger les gens. Ya kula watu. À tuer les gens. Ya kuua watu. Elle n'existe pas. Aina ko, aika la keko. Aina ko. Ça n'existe pas. Nous croyons que la magie existe. Tu n'as mis ni magie. C'est ça la sorcellerie, je le dis. Toi, tu n'as pas ulozi. La magie n'a pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Ulozi aina na uwezo ya kuua mtu. Non. Apana. C'est que la magie fait. Ile ulozi inawezi kufanya. C'est que les magiciens font. Ile walozi unawezi kufanya. C'est pour détourer les gens de la foi. Ni ya kutosha watu muimani. Quand les magiciens agissent, wakati walozi wanafanya, dès que le diable poursuit, ile shetani anatafuta, mikutosha abantu muimani, de sortir les gens de la foi, kuna la Mungu, de sortir la parole de Dieu, kama, le faire croire que mauwezo, au shetani una uwezo kufanya quelque chose, le faire croire que les hommes ont la puissance ou Satan la puissance de faire quelque chose. Écoutez, sigilize, vous pouvez voir un magicien, unaweza kuona mulozi mmoja, il fait un petit trick, anafanya magende, vous voyez la chose. Feza, défilé, mingi, là, vous voyez beaucoup d'argent. Mingi, c'est une tromperie. Ni udanganifu. Cette tromperie là, c'est le diable qui fait ça. Ile udanganifu ni shetani. Cette tromperie. Ile udanganifu. Ana na pouvoir ya kukreye. Sana pale pouvoir ya kuumba. Kama magicien anagir. Lorsque le magicien agit. Kito na mwambia sema. Eke apre. Unipatie $1,000. Tonu mwa $1,000. Ana na yo. Ina na pa. Ile makute ka musaidia. Cette argent ça va l'aider. Uze kande kechi. Ile wei mujinga. A manger. Uri mupatia. C'est ce que toi en insensé tu lui as donné. Est-ce que vous êtes là? Même si par la machine, il prend une épée, il transperce la côte, l'épée sort par de l'autre côté, vous voyez le sang en train de couler. C'est une tromperie du diable. Si se tient là-bas, notre couteau ordinaire, je lui dis de le coincer sur le champ. Il mourra sur place, il ne va pas accepter. Ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez par les yeux. C'est une tromperie du diable. Celui-là n'a pas le pouvoir de tuer quelqu'un. C'est lui qui détient la clé de la mort. Et du séjour de mort. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi ne craignez rien. Ne craignez rien. Si vous êtes dans la maison, Kamuruko Munyumba, vous attendez le bruit d'un hibou. Unasikia ma kulia kwa fui-fui. Hibou, c'est un oiseau qui circule pendant la nuit. Fui-fui, ni ndeke ula natembeaka usiku. Et quand il circule pendant la nuit, wakati anatembea usiku, il chante. Eko na imba. Vous, quand vous écoutez ses cantiques, wakati unasikia mimbo zake, vous vous dites que, oh, vous l'enchirez, mais dites que c'est bon. Le sortier vient vous avez peur. Et vous, maintenant, on a crié. Unaanza kulalamika. Oh, mais si n'est pas la moto. Je n'ai pas de tête à quelqu'un. Ni boko unayo. Tu as la peur. Ibu a fanyike kitu. Ibu ne fait rien. Kama kuna imba. Lorsqu'il chante. Et kuna musifu wa milele. Il glorifie l'éternel. C'est vrai. Il n'y a pas de sorciers. Akukala ke balozi. Les sorciers qui tuent, il y en a pas. Bakuwa bantu abena abanako. Les sorciers qui tuent, ça n'existe pas. Balozi bakuwa bantu abanako. Ce sont des traditions de nos ancêtres. Ni mabistela ya bankambo. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Alakinu biblia binamo. Par sa mort. Kupitia lufu yake. Il nous a libérés de la peur de la mort. Alitukomboa toka boka ya lufu. Atuna na boka ya lufu. On a plus la peur de la mort. Nous sommes un peuple affranchi. Tunakuwa taifa yenye ukombolewa. Tuko un peuple. Nous sommes un peuple affranchi, délibéré. À cause de la mort de Christ. Et il nous a donné le pouvoir de marcher même sur le serpent, sur le scorpion. C'est vrai. Même si un serpent vous mordait, ne craignez rien. Vous avez le pouvoir sur lui. Priez. Dieu a le pouvoir d'anéantir ses ténèbres. Nous avons ce pouvoir à cause de la mort de Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Il pouvait maintenant donner l'ordre à ses apôtres. Il y allait. Faites la bonne nouvelle. Dites-leur. Je t'ai mort. Mira fufuka. Je suis ressuscité. Maintenant je suis vivant. Nous prêchons la mort de Jésus-Christ pour sauver les gens. Dieu va pour les sortir de la peur. Afin que les gens aient la foi que celui qui était mort, il était mort pour, et il est ressuscité. C'est vrai. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Par la mort de Christ, kupitia lufu ya Kristo, nous sommes sauvés. Tunaokolewa. Qui croit ce soir qu'il est déjà sauvé? Nani anaamini mangaribi ya leo asema ashaokolewa. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Si vous êtes sauvé, kama ushaokolewa, vous êtes aussi libéré. Manake unaisha na ukombolewa tena. Libéré du péché. Mwenye ukombolewa toka zambi. Vous êtes libéré. Unakombolewa. De la peur. Toka boka. Atuna na boka. Nous n'avons plus peur. Jamais. Qu'à moins. Quand vous voyagez, wakati unasafiri, vous arrivez pendant la nuit. Unafika wakati ya usiku. Peut-être busiku unafungiriria, il faut peut-être kulala kulala katikati ya barabara. Il est nuit, peut-être tu vas passer nuit sur la route. Je vous souhaite. Namitakia. Lorsque vous êtes près d'arriver dans un village, wakati unakuwa karibu kufika ukambi. Vous trouvez le cimetière. Unaona tuburi. Parce que les gens craignent beaucoup de cimetières. Disant qu'il y a des cimetières. Il n'y a rien au cimetière. Si vous voulez dormir en paix, arrêtez-vous sur le cimetière. Si maman parle pas matuburi. Et entrez là dans le cimetière. Oui, il n'y a pas moule matuburi moule. S'il y a une tombe qui est déjà peinte en blanc. Kama u kaburi ile bana peinte vie upe. Wende ukafikia mpaka pale ile kaburi ya mwombe. Allez dormir seulement sur la tombe peinte en blanc. Dans votre cimetière. Kama mu sakoshi yako. Vous avez une couverture en couleur aussi blanche. Ukuna cha kufunika cheupe. Ça sera une harmonie. Itakuwa bitafatana mzuri. Aménager ce cimetière. Tengeneza tu pale kaburi ya mwombe. Uri tandike pale. Etale toi sur cette tombe. Utalala. Tu dormiras musalama. Et les gens qui passeront sur la route. Ils vont voir quelque chose en blanc en train de bouger. Tourne à Koufou, tourne à Koumouro. Il y a un revenant. Les gens vont fouiller. Ça va constituer pour vous seulement une sécurité. Donc vous allez la Kimia. Tu dormiras en paix là-bas. Il y en a qui vont avoir peur de toi. Il y en a qui vont fouiller. Mais ouais, vous allez la Kimia. Mais toi tu dormiras en paix là-bas. Jusqu'au petit matin. Vous ficarez à Soumoui. Tu plies ta couverture. On a conduit à Kakoli Funika. On a ouvert comme sacoche. Tu continues ton voyage. Là on a safiri. Sako. C'est un conseil gratuit. Ni shauri tu ya mzuri. Voilà ce que la mort de Christ a fait pour nous. Ndio ile lufu ya Kristo ilitufania. Tutosha na boka yalo. Ça nous a ôté la peur de la mort. Il a tout libéré comme il s'est attendu. Ça nous a libéré de la vie de péché. Et nous sommes un peuple libre. Na tunakuwa taifa yenye ukombolewa huru. Par sa mort. Kupitia lufu yake. Il nous a sauvés. Anatuokoa. Amen. Amina. Et par son assemblissement. Na kupitia kuzikwa kwake. Il a amené au loin nos péchés. Alipeleka mbali sana zambi zetu. Et il les a même jetés dans la mer de l'oubli. Na alitupa tena ndani ya bahari ya kusabu. Dans la mer de l'oubli. Ndani ya bahari ya kusabu. Frère. Ndugu. Dieu ne se souvient plus de tous nos péchés qui sont déjà pardonnés. Mungu ashikumbuka kitena mazambi zetu zila anesha samee. Parce qu'il est allé les jeter dans la mer de l'oubli. Kwani alienda kuitupa mubahari ya kusabu. Il est incapable de se souvenir. Ana tena na uwezo ya kukumbuka ile zambi. Zambi zetu. Nos péchés à nous. Alikwenda kuzipeleka mbali sana. Il est allé amener cela au loin. Et il les a jetés au fond de la mer. Na naitupa chini ya bahari. De telle manière qu'aujourd'hui, unamna kusema il ne se souvient plus de nos péchés. Asikumbuke tena zambi zetu. Quelle grâce. Neema kani ile. Avons-nous trouvé devant le Seigneur. Ile tulipata mbele ya Bwana. Zambi yako tukubanesha kuijika. Tes péchés à toi mon frère, on les a déjà enterrés. Kama banajika mutu, nous sommes le mutu, nous sommes le mutu. Lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est-à-dire on l'oublie. Et le péché est déjà enseveli. Na zambi banesha izika. On ne se souviendra plus. Avata ikumbuka tena. C'est déjà parti. Inesha enda. Oui. Dio. Dieu a une mer de l'oubli. Mungu yako na bahari ya kusabu. Cela est écrit. Banesha yandika. Dans Michée chapitre 7. Michée sura 7. Nous lisons au verset 18. Soma mstari ya 18. Quel Dieu est semblable à toi? Ni Mungu kani wa kufanana na wewe? Qui pardonne l'iniquité? Ule kuna same uovu? Qui oublie le péché? Na kusabu uovu? Du reste de ton héritage? Kwa mabaki ya urithi yako. Il ne garde pas sa colère à toujours. Yeye ashichungake kasirani yake kwa lote. Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini vile? Il ne garde pas sa colère à toujours. Ashichungake kasirani yake kwa lote. Car il prend plaisir à la miséricorde. Wani yeye kuna furahikia rehema. Ah, ça c'est merveilleux. Iku ni adamani. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Mungu anafurahikia rehema. Il y a des gens qui prennent plaisir à la colère. Il y a des gens qui prennent plaisir à la rancune. Il y a des gens qui prennent plaisir à la nervosité. Kasirani. C'est ce que la Bible appelle l'animosité. Asira. L'animosité. Kasirani ya munyama. L'animosité. Oui. Quelqu'un se fâche. Mutu anashirika. Il est capable de détruire même le bien qu'il a payé lui-même. On a ouvert la coupe pour moi, on a couru, but de venir à l'usa moyenne. Il perd le vestiaire avec trois par terre. Par colère. Pas sous la cave, tu en as tout pas chini, lui a coupé pas sous la cassirane. Tellement ils ont la colère. Où as-tu allé? On a assiré, cassirani a pita. Quand il frappe. Wakati on a piga. Soit il peut fracturer quelqu'un. Voilà, on a ouvert la coupe pour nous jamuter. On a passé pour les magasins. Il te laisse l'infirmité. Mais notre Dieu, alakini Mungu wetu, il prend plaisir à la miséricorde. Anafurahi kia sana rehema. Oh, quelle grâce. Neema kani ile. Mungu anafurahi kabisa na kurehemu watu. Se réjouit de la miséricorde. Si vous êtes là, mon frère. Kama uko hapo ndugu yangu. Vous venez avec un cœur brisé. Unakuwa na moyo kuvunjika. Avec un cœur. Na moyo. Saigne. Ya ku. Un cœur. Qui reconnaît le péché. Ya kutambua zambi. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Mungu yuko na furahikia rehema. Vous pouvez agir mal. Unaweza kutenda mbaya. Peut-être si c'est dans la société. Na zingine ni mkampuni. On peut vous brûler vif. Wanaweza kuchoma mzima. Ata unaomba bulumba batakuchoma mujima. Même si tu demandes bulumba, on va te brûler vif. Mais notre Dieu, alakini Mungu wetu, prend plaisir à la miséricorde. Ebona furahikia rehema. Quel que soit le péché que quelqu'un a commis, aizuru zambi ulitenda. Il vient à Dieu. Kama ukikuya mbele ya Mungu na moyo brisé, na kuvunjika, Dieu prendra plaisir. Mungu atafurahikia à la miséricorde. Rehema. Dieu est prêt à lui pardonner. Mungu yuko tayari kusamehe. Il aura encore compassion de nous. Atatushikiria tena buluma. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Ataweka chini ya miguu yake uovu yetu. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Utatupa chini ya bahari zambi zao zote. Dieu jette dans le fond. Mungu yuko natupa chini. Le fond de la mer. Chini ya bahari mule chini. Tous nos péchés. Mazambi zetu zote. Mais les péchés pardonnés. Alakini zambi inasamehewa. Les péchés qui ont été confessés. Ile mazambi ile ulikiri. Correctement. Muzuri muzuri. Dieu les jette dans la mer de l'oubli. Mungu yuko naitupa mbari ya kusabu. Est-ce que cela eti ile ne peut pas nous exploser en joie? A Yesu tusukuma mfura kabisa. Ne pouvons-nous pas être reconnaissants avec ça? Eti tutakosa kwa shukrani. Savoir que nos péchés, Dieu les a jetés au fond. Zambi zetu Mungu alitupa chini ya bahari. Oh, ndugu yangu. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Napashwa na shukrani mbele ya Mungu. Nous devons le remercier. Tunapashi mshukuru. Pour sa grâce. Juu ya neema yake. Pour avoir pardonné nos péchés. Il a risame zambi zetu. Il y avait un homme. Kulikuwa mtu mmoja. Qui aimait le Seigneur. Il aimait tellement Dieu que quand il lisait les Écritures, il explosait. Il s'est rampé même par terre. Il était devenu comme un fou. Un fou de Jésus. Toute parole pour lui. Il louait l'Éternel. Il disait à Dieu, oh Seigneur, libanche neema, oh fais-moi grâce. Neno, il connaît nos langues. Que cette parole sonne, ma parole. Il aimait tellement Dieu. Même dans sa maison, quand vous le trouvez là-bas en train de lire, vous t'entendez tout autour. Il seul avec la Bible. Vous t'asquiez quand avec Pékin avec la Bible. Il entend Dieu lui parler par la Bible. Alors quoi n'asquiez Mungu et qu'on a mangé la Bible. Et on a rougi. Merci Seigneur. Oui, c'est la parole. Il est plus de comme ça. Il était tout bouillant. Bouillant. Ouais, moto gifugutu. Alors il avait une fille. Basi, alikuwa na binti wake. Et cette dernière voulait s'égayer avec ses amis. Na ule binti wake alipenda kufurahi na rafiki zake. Et invite ses amis chez eux là-bas. Alipenda kualika wa rafiki yake kule kwao. Alors il a annoncé la nouvelle à son père. Akamwambia baba yake ile maneno. Il a dit à son père. Akamwambia baba. Papa. Papa. Je veux faire venir mes amis. Mimi napenda kualika wa rafiki zangu. Je vais te prier pour aujourd'hui. Takusi kwa ajili ya leo tu. D'être un peu gentil. Vous faites quoi kwanza mpole? Utulivu kabisa. Utulie kwanza. Ah, parce que je voudrais amener mes amis ici. Kwani mimi napenda kualika warafiki wangu hapa. Aujourd'hui soit un peu calme. Leo ufate kunivumilia uko mtaratibu. Son père a dit il n'y a pas de problème. Baba kamwambia hakuna shaka. Elle peut venir. Wanawezi kuja? Eh, elle vient encore? Oh, wakakuja. En tout cas, parce que avec la Bible que tu as ici. Kwani wewe na Biblia? Il est difficile de te contenir. Il t'a couillé en gouffre, pas tout le monde. Permets que tu t'arraches la Bible aujourd'hui. On y rousse ou léon, on y kunyanganye kwanza. J'ai la garde de quelque part. Ni chunge fazingine. Alors, en retour. Quoi, yo? Je t'amène aussi un livre. T'as compatié à kitabu ingine. Pour que tu puisses pas t'ennuyer, hein. Il est où, chukwena fazarika. Elle a amené le livre de géographie. Kitabu ya géographie. Et elle a donné à son père. Akampatia baba yake. Ok, merci beaucoup. Asanti. Alors, avec le livre de géographie, na ile kitabu ya géographie, il s'est retiré toujours dans son office. Akaingia mu office yake. Frère, ndugu, un homme qui aime Dieu, mutu mwenye kumpenda Mungu, atonompeleka mpori, même si vous l'amenez en brousse, atamuona Mungu, il fera Dieu là en brousse. Si tu aimes le Seigneur, kama ukimpenda Bwana, ah, c'est merveilleux. Ni adamani. Cet homme lui accorde un livre de géographie. Huyu mtu akampatia kitabu ya géographie. Vous avez dans la géographie. Unaona mu géographie. On parle de nature. Wanasema amu kwa ajili ya asili. Tu parles de la nature. Wanasemea asili. On parle de ce que Dieu a créé. Wanasemea yule ya ile Mungu aliumba. On parle de voilé. Wanasemea yule ya mabonde. On parle de montagne. Wanasemea yule ya mamilima. On parle de kivete. Wanasemea yule ya mamilima. On parle du soleil, de la lune. Wanasemea mambo ya miezi na jua. On parle des océans. Wanasemea mambo ya mabahari. On parle de mer. Ya mabahari. On parle de lacs. Alors, les papas en parlent de livres. Baba mukusoma ile kitabu. Il a parcourir, il arrive quelque part où on parle de mer. Akasoma fazi mwa wanataya bahari. Sur la mer. Pa bahari. Il y a des endroits où pa fazi où il y a des tourbillons. Mule maji nazunguka fazi mwa. Vous trouverez un endroit où l'eau coule. Utakuta fazi mwa avec vitesse. Fazi mwa ya maji inapita kwa haraka. Souvent ces endroits-là, il est vazi. Sont des endroits très profonds. Ni fazi mrefu kabisa. Et même quand vous nagez sur les eaux, hata kama ukiogea pa maji, vous arrivez dans cet endroit. Ukifika pa fazi pale maji inapita. Usopoke. L'eau, vous pouvez aller dans le fond de la mer. Pas fazi. Dans le fond de la mer. Ni parefu sana usopoke. Et souvent quand il y a quelque chose qui arrive sur cet endroit, kila mara ukifika kitu pale fazi, il y a un objet, kuko kitu, l'eau le récupère, maji tachugua ile kitu, et l'enfonce dans le fond. Na kuishusha chini ya bahari. Si c'est quelque chose qui a un peu de poids, kama ni kitu kia uzito, on l'enfonce, basta kishusha chini, au point où la chose ne reviendra plus encore sur la terre. Mukimo ile kitu haiwezi tena kutoka yule ya maji. Parce que ce sont des endroits très profonds. Juni fazi ya mrefu kabisa. Sur les eaux, il y a des endroits très profonds. Kwa maji panegala fazi ya mrefu kabisa. C'est comme quand on naviguait sur les lacs Tanganyika. Kama vile tulikuwa nasogea pa maji ya Tanganyika. On quittait les Kalemie pour se rendre à Uvira. On me dirait que les eaux que vous voyez, la profondeur, upana ya umule chini, c'est 2000 mètres. 2000 mètres à chini sur le Tanganyika. Lac Tanganyika. C'est 2000 mètres. 2000 mètres à chini. Il y a même un bateau qui avait coulé. Kukwata, mwa, ilibi, à son bord, il y avait une centaine de personnes. Daniel, jusqu'aujourd'hui, naleo, on n'a jamais rien récupéré. Pataka, et les personnes, batu, et les bateaux, et les biens qui étaient à bord. Biote, parce que c'est un endroit profond. Ouais, 2000 mètres, c'est pratiquement des kilomètres. 2000 mètres, kukadiri, kilomètres c'est très profond. Mrefu kabisa. Alors quand j'ai papa, lui, il y a des endroits très profonds. Et quand les histoires sont amenées au fond de cette mer, les histoires ne reviennent plus sur la surface. Et il a ramené ça sur la parole de Dieu. Et quand est-il de la mer de Dieu? Dans laquelle Dieu prend nos péchés et les jettes dans le fond. Na kuitupa chini ya et quand les péchés sont descendus dans le fond, ils ne reviennent pas sur la surface. Zambi ile hawezi tena kurudia yule. Est-ce que vous croyez que ce papa-là pouvait se contenir? Si mwanawazi ule baba alifashi dans l'office il s'est trouvé. Mu office mula alikuwa. Il s'est exclamé là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Sa fille a couru vite. Bintu papa, maman, gani, tena iko. Papa, qu'est-ce qui se passe encore ici? Maman, papa, mes péchés sont ont été jetés dans la mer. Et dans le fond de la mer. Est-ce que ne puisse pas louer l'Éternel? Si vous êtes rachetés, vous êtes sauvés, vos péchés sont déjà pardonnés, vous devez louer l'Éternel. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai compris l'homme de David. Il pouvait dire, tant que j'existerai, je louerai le nom de l'Éternel. Tant que je vivrai, je célébrerai son nom. Si vous avez expérimenté le salut, vous êtes libre. Oui mon frère, par son ensevelissement, il a amené nos péchés au loin et les a jetés dans la mer de l'eau. Et par sa résurrection, il nous a justifiés. Ça c'est une chose merveilleuse. Dieu nous a justifiés. Par sa résurrection. Frère Branham, Branham, comparer la résurrection de Jésus kulinganisha ufufuko wa Yesu à la facture que nous obtenons au magasin après avoir payé quelque chose. Alikuwa analinganisha ufufuko wa Yesu Kristo pamoja na facture. C'est la facture. Facture, c'est la facture qui montre que facture. quelque chose a été payé. Nous avons la facture. Montrant que la marchandise a été payée. Même si on vous arrête. Croyez que vous êtes des bandits, vous avez volé les histoires d'autrui. On vous demande la preuve. Dis paiement de votre marchandise. Vous allez exhiber votre facture. Et par la facture, vous montrez que la marchandise a été bel et bien payé au magasin. Il dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre salut serait vain. Il pense que Yabou le sana. Comme Jésus est ressuscité, c'est la preuve que notre salut est certain. Oh, que Dieu soit loué. Abarikiwe sana. Kama Yesu angefufuliwa. Si Jésus n'était pas notre prédication serait de la face. Il passe quoi tout ni michezo. Parce qu'il y a bongo sana. Il devrait être fort. Vous savez, dès qu'il a donné la force, il est aux apôtres de témoigner. Même si on pouvait les décapiter. Ils ne se sont pas fatigués. Ils ne se sont pas découragés. Ils avaient le courage. La force de témoigner. Même devant les rois. Paul pouvait parler même au roi. Le roi lui dit, oui, on est venu convaincre. Tu veux me convaincre? Le Branham dit, c'est pas même la base de notre foi, la base de notre espérance. Quelle est la base de notre religion? La mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus-Christ. Et parce qu'elle est ressuscitée, nous croyons aussi que son retour est certain. Amen. C'est à la base de notre christianisme. Je m'attends à tout le monde. Je m'attends à tout le monde. Je m'attends à tout le monde. Je m'attends à tout le monde. Jésus a ricoufoua. Jésus était mort. À cause de nous. Yesu, Jésus a dit quoi? Était pour ajili yetu. À cause de nous. Yesu, Jésus a rifufuka. Était ressuscité. Pour ajili yetu. Pour nous. Et Yesu, Jésus atarudia. Reviendra. Kutuchukua. Pour nous prendre. Pourquoi? La preuve. Il est ressuscité. Et je fufuka. Ah, ça c'est merveilleux. Il est ressuscité. Aisha fufuka. La victoire. Ushindi. Des croyants de l'église, c'est la résurrection de Christ. La résurrection de Christ, c'est quelque chose qu'on avait combattu, même dans l'église. Parler des croyants, ils ont essayé d'étouffer la chose et d'éternir même le témoignage de Christ, d'éternir son témoignage. Mambo yake ishe pale, haikuisha, haikumalizika. Ndio mambo ilianza sasa. Juu ya nini? Yesu Kristo eko mzima. Eko ndani yetu. Ile anu. Oui. Ndio. La preuve de sa résurrection. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. La preuve de ta résurrection. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est à nous. La preuve de ta résurrection. Le Saint-Esprit agit. La preuve de résurrection. Dieu continue à sauver. On a été de tuer les gens. Au courant des âges. Pendant les âges des ténèbres. L'Église catholique a tué. Plus de 60 millions. Kadiri ya 60 millions. Aruwa mwingi ya bantu sawa ba kongomani bote bashimu. Il a tué les gens presque au nombre de tous les Congolais. Au nom de l'Église. Mujina kanisa. Quelle Église? Kanisa kani. Ya kuwa batu. Qui tue les kanisa gens. Ya damu. L'Église de sang. Il a chukua damu ya batu. Qui porte le sang de Jésus. Na bale wanda kuwa. Ce sont des faits. Barukwa ni batakati. Ce sont des gens qui témoignaient. Barukwa ni batu barukwa ni soudia. Qu'ils croyaient en Christ. Des gens qui témoignaient. Qu'ils soutenaient l'œuvre de la croix. Ce sont ces gens-là que l'Église a tué. Au nom de l'Église. Mujina kanisa. Parce que quand j'ai cet âge. Quand il œuvre de Satan. Arpenda a jimé chez mambo ya Mungu. Il voudrait effacer la parole de Dieu. Arpenda a toché mambo ya Mungu. Il voudrait effacer la parole de Dieu. On a tué des gens comme Jean-Hus. Bariou avant tout ça va Jairus. Jean-Hus. Jean-Hus. Bana mfunga nkamba. On l'a ligoté. On l'a tué sur le bûcher. Bariou a pakiti pamuchi. Ah, mit mose kuna iko na tokoro ya kimbirimbiri iko na waka. Bana mbeba mujima. On l'a pris vivant. Bana mfunga nkamba. Kama unapenda tukwache. Acha mambo ya Yesu Kristo. Laisse ce Jésus là. Dites seulement que vous avez acha. Dites seulement que mambo ya bongo. Tukwache. On te laisse. Anaambia sema. Il est radi. Mishi takatala sema Yesu shina. Je ne peux pas renier Jésus. Jésus est là. Yesu est quoi quoi. Il est vivant. Et comme sima. Si vous voulez me tuer, tuez moi. Na kuniua muniua. Même si vous me tuez. Atamu kiniua. Moi je vais mourir. Nitakufa. Je ressusciterai d'autres personnes. Mungu atalamusha watu wengine. Vous ne pouvez pas éteindre ce témoignage. Mwezi kusimisha yufu. Iu shuhuda. Bari komanisha kumwanzo ya kanisa. On a parti de l'Église. Vous katikati ya kanisa. Shetani alikomanisha. Il voulait ternir ce témoignage. Il n'a pas pu le ternir. Même à la fin. Le diable cherchera encore. Kubala bata manqué enlèvement. Ah, vous aurez la persécution. Il y aura une grande persécution. Mamu ifanye kumwanzo. Na mamu mutaizivre. Ah, là il faut soit accepter, bakouwe, ou t'as pu martyr, ou bien on a nyamas on a katala, vous portez la marque de la bête. Mais en ce moment-là, l'Église sera déjà, l'épouse sera déjà partie. Parce que l'Église ne partira pas. L'Église véritable ne partira pas dans l'enlèvement. Elle restera. C'est elle qui enfantera l'enfant mal. Et c'est l'enfant mal qui partira. Et c'est comme ça que sont les choses. L'Église. Kanisa. Cette Église qui restera, ce n'est pas l'Église dénominationnelle. C'est l'Église véritable. Alléluia. Amina. Qui est couronnée par le soleil de la justice. C'est ça l'Église véritable. Et cette Église véritable là. Kanisa ya kweli. Au bas de ses pieds, elle a la lune. Elle est couronnée par la doctrine des 12 apôtres. C'est l'Église véritable. Et c'est cette l'Église véritable qui enfantera l'enfant mal. C'est l'enfant mal qui partira. Et l'Église restera. Tu peux accepter ou... Vous ne pouvez pas changer ça. C'est comme ça que tu ne peux pas les changer. Si je peux vous donner un conseil, ne soyez pas négligent. Avec la parole de Dieu, ne soyez pas négligent dans tout ce que Dieu fait ici. Et là, vous serez compté parmi les vainqueurs. C'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce que l'Église attend? Comme frère Branham a dit, revenant. Le seul espoir qui reste pour l'Église, c'est le retour de Christ. Quel jour glorieux. Jésus vient. C'est l'espoir des croyants. Quoi que vous fassiez, croyez que, mwamini ya kwamba, sachez que, mjue ya kwamba, Jésus-Christ vient. Jésus-Christ yuko nakuja. C'est ça l'espoir de l'église. Je tumaini ya kanisa. C'est ça l'espoir de véritable croyant. Je tumaini ya waaminifu ba kweli. Et comme nous avons lu l'écriture, baka vile tunasoma maandiko, il ne vient pas pour tout le monde. Ashikuie watu wote. Il vient. Yuko nakuja. Pour ceux qui l'attendent. Je ya bale bana mchunga. Jésus-Christ là-bas. Yes. Il vient pour ceux qui attendent. Yuko nakuja bale bana mchunga. Est-ce que vous voulez-vous me dire que les croyants catholiques attendent le retour de Christ? Vous n'avez pas dit que les croyants catholiques banachunga kuja kwa Kristo? Apana, apana. Même dans leur prière, hata maombi zao, dans leur catéchisme, le retour de Jésus ne figure pas. Kurudi kwa Kristo hakuna mo. Ils prient seulement. Banaomba tu. Et ils disent, na kusema, Mama Maria, utusemele yeko. Mère Marie, priez pour nous. Nous les pécheurs, priez pour nous. Maintenant. Na kufa kwetu, shukuru kufa kwetu. Jusqu'à notre mort. Amen. Amen. C'est fini. Unaishi? Même dans le catéchisme, l'esprit de Jésus n'est pas figuré. Vous pouvez dire que les dénominationnels ici attendent le retour de Jésus-Christ. Ils n'attendent pas le retour de Christ. Même quand ils vont dans des montagnes, ils vont prier. Ils ont des préoccupations différentes. Les autres prient pour que Dieu leur donne la promotion. Les autres prient pour le mariage. Les autres, ils prient. Pour les enfants, les autres prient pour les bénédictions matérielles. Ce sont là les préoccupations. C'est tout. Il y en a parmi les messages. Il y en a. Il y a des croyants à qui on a volé même leur espérance. On les a volé leur espérance. En leur disant que Jésus-Christ est déjà venu depuis 1963. Et c'est quand quelqu'un vous dit comme ça, que non, depuis 63, Yesu alisha kuyaka. Wakati mutu anakuambia depuis 63, Jésus-Christ est déjà venu. Qu'est-ce que tu vas encore espérer? Il se base sur la colonne de Nuera. Banashimamia tu paile nguzo ya wingu. C'est ça le retour de Christ. Manasema ile njoo kurudi kwa la niwe. Wingu. Nous n'attendons pas la niwe. Si c'est tuchunge wingu. Jamais. Kamwe. Nous n'attendons pas la colonne. Atuchunge nguzo. Nous attendons un homme. Tu kunachunga muntu. Cet homme qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth, dans son corps, il est mort à Jérusalem, dans son corps, il est ressuscité, dans son corps, et il est monté au ciel, dans son corps, et on le voyait, quand il partait, il y a des disciples qui étaient là, qui regardaient comment Jésus montait, et quand il montait, à un moment donné, Wagafla, il a disparu. Aripote, on ne peut plus les voir. Et les apôtres restaient. Regardant toujours au ciel. Des hommes leur sont apparus. Et ils leur ont dit, chers frères, jusqu'à quand resterez-vous? Regardant au ciel. C'est Jésus-là. Il est monté au ciel. Celle que vous l'avez monté au ciel. Il reviendra. Paka vile mulimuona alipanda njoo vile atakuja. Njoo ile tukunachunga. Oh, le morceau déjà ressuscité. Oh, bafu washe fufuka. De moins quand? Tangia si ugani. Si le morceau déjà ressuscité. Kama bafu washe fufuka. Où est Pierre? Sasa Petro yuko wapi? Où est Jean? Yohane yuko wapi? Basi nuje bosi le voir. Tunapasha na chitu baone. No. Hapana. Et nous continuons à mourir. Si tu tunga naendelea kufa. Nos enfants continuent à mourir. Watoto wetu bado naendelea kufa. Continuent à mourir. Bantu wetu bado naendelea kufa. Et vous dites que c'est de l'avenir. Sasa mnatuambia sasa Yesu atakuja. Il est pas encore venu. Yeye bado kuja. Nous attendons sa venue. Tuko na chunga kuya kwake. Est-ce que vous l'attendez aussi? Ese na mama na mchunga. Nous sommes des seuls à qui attendent. Tuko vale vene kuchunga. Oui. Ndio. Comme il est venu la première fois. Il a porté nos péchés. Il le revient une seconde fois. Atakuja mara ya pili. À ceux qui attendent. Na vale wana mungoja. À nous qui l'attendons. Wa sisi wenye kumungoja. Ndio maana tunasema. Maranatha. Maranatha. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Tout à l'heure,